Et c'est le moment de notre chronique avec Raymond Poirier. Raymond, bonjour. Bonjour. Bon matin, comment vas-tu? Mais très bien, très bien. Excellent, on parle de numérique. Et là, j'ai vu passer ta feuille de route ce matin. Bon, à coton. Hein? Oui. Je me suis dit, bon, écoute, qu'est-ce que c'est exactement? Puis tu vas nous en parler parce qu'il paraît qu'il y en a beaucoup, puis que c'est très populaire, puis que c'est la grosse période. Là. Oui, ben en fait, à cet automne à Québec, en fait, il va essentiellement avoir 4 événements de type hackathon. Évidemment, c'est pas une nouveauté non plus dans la mesure où dans la capitale, il y en a depuis déjà plusieurs années, ou dans le monde, il y en a déjà depuis plusieurs années. À la limite même, on pourrait dire en termes d'effet de mode qu'on est peut-être un peu plus dans la fin de la vague qu'au début milieu. Ça fait des années qu'il y en a beaucoup. C'est enfin un concept qui est né aux États-Unis, peut-être plus à la fin des années 1990, d'abord au sein des communautés de développeurs adeptes de ce qu'on appelle le logiciel libre, donc le logiciel au code ouvert que je peux aller modifier, transformer, que je peux m'approprier, reproposer sous différentes formes. Donc vraiment dans un contexte de partage. Alors eux se sont dit on peut essayer de développer un nouveau type d'activité qui va nous permettre de développer différentes solutions libres de manière peut-être plus créative, plus intensive surtout. Et donc on a créé ce qu'on appelle des hackathons. Donc ces deux termes, hack, c'est disons l'idée de trouver des solutions, rapides, un hack comme un life hack, etc. Donc c'est une astuce si on peut dire. Et hackathon, donc hackathon pour marathon. Donc l'idée que c'est toujours sur une période très courte, de manière très intensive, où le sommeil n'est pas de mise. Est-ce que c'est compétitif? Dans certains cas, ça l'est. Au départ, ça l'était peut-être plus que ça semble vouloir le devenir aujourd'hui. Donc, au départ, c'était vraiment une compétition. Donc, l'idée de remettre des prix, des bourses, de trouver la meilleure innovation, la meilleure proposition. Aujourd'hui, il y en a encore qui ont cette forme plus classique. Il y en a d'autres qui essaient plus d'y aller dans un mode de partage, dans un mode de collaboration. Ça dépend ensuite de la philosophie des événements qui s'inscrivent dans la grande tendance hackathon. L'idée, c'est vraiment donc la collaboration, on se rassemble, on essaie de développer donc des innovations dans un domaine X, Y ou Z. C'est une source donc qui prend un peu vraiment son origine, comme je disais, dans le libre. Et ensuite, ça va se faire soit dans des événements festifs, dans des événements communautaires, dans des événements culturels, dans des événements informatiques. D'un point de vue artistique, peut-être l'équivalent qu'on pourrait lancer, qui peut-être va allumer des pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins les hackathons, ça va allumer des lumières, le Burning Man, par exemple. Ouais. Donc, l'idée qu'on a des gens qui se rassemblent dans un lieu X et qui créent une œuvre, essentiellement, créent une intervention. Et c'est essentiellement le même principe. On pourrait dire même, dans une certaine mesure, que Burning Man est un hackathon, mais sans nécessairement avoir la dimension informatique, numérique, qui est pressentie par le terme par le terme. Est-ce que quand on parle d'hackathon d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre, c'est pas mal pareil, c'est international là. Oui, mais en fait dans le fonctionnement puis dans l'idée puis dans la philosophie derrière ça. Donc l'idée c'est vraiment et ça va être le cas pour les événements qui se font à Québec cet automne aussi également. Donc on se rencontre, c'est souvent sur un week-end. Donc, on va se rencontrer le vendredi soir. C'est intensif, C'est intensif. Donc, une première rencontre le vendredi où là, il va y avoir des projets qui vont être proposés, des objets, des éléments d'intervention sur lesquels, donc, les équipes qui vont se former à ce moment-là vont c'est être appelées à intervenir. Comme un maître de cérémonie qui chapeaute tout ça. Oui, ou les équipes de manière collaborative, les gens, c'est convivial. Donc, l'idée, c'est vraiment de pas forcer non plus les gens à aller travailler avec tel ou tel projet, telle ou telle équipe et le reste, mais de laisser l'intérêt de chacun s'exprimer, si on peut dire dès le départ, donc dès la sélection des dossiers sur lesquels ils vont travailler. Ensuite, pendant une fin de semaine, donc à partir du vendredi soir, généralement jusqu'au dimanche en fin d'après-midi, là, c'est une phase de développement. Donc, les gens sont installés, travaillent, il y a des locaux qui sont mis à leur disposition, souvent, bon, l'aspect alimentaire qui est couvert aussi. Et donc, ils vont développer un prototype. Est-ce qu'on mange vraiment dans ces affaires? Ça va avoir beaucoup de restes. Beaucoup de café aussi. Oui, c'est ça. Et en fin d'après-midi, le dimanche, là, on va dévoiler les résultats. On va proposer, ça va être soit la partie concours, soit la partie présentation, pour permettre aux gens de découvrir ce qui aurait été développé au fil de la fin de semaine. Et ensuite, c'est toujours la question de l'après hackathon. Donc, selon la thématique, selon le groupe organisateur, le défi, c'est toujours de prendre les meilleures des innovations qui ont été développées dans ce contexte-là et de passer d'un premier prototype à peut-être une innovation plus formelle, poursuivre le processus, le développer. Ah oui, c'est pas juste un jeu pour un petit festival de fin de semaine, là, ça a des retombées. Mais il faut que ça en ait. Oui, il faut, faut faut que s'en aille. C'est ce que les gens viennent chercher un peu. Et c'est peut-être ce qui a amené aussi beaucoup la propagation de ce mode d'innovation-là. Parce qu'il faut, se placer dans un contexte où on peut dire que le numérique, son avènement a ouvert beaucoup de possibilités. Beaucoup de possibilités de collaboration, de nouveaux modes de participation. Ouais. D'ailleurs, même si on regarde dans la sphère citoyenne, c'est une petite révolution qui est en train de se faire. On pourra en reparler en cours d'automne. Et donc, la hackathon s'inscrit un peu là-dedans. Donc, c'est l'idée que je suis pas nécessairement celui dans mon entreprise ou dans ma carrière qui va proposer normalement l'idée ou qui va pouvoir travailler sur une idée à cette phase-là. Mais là, si j'ai des compétences à proposer, je peux décider d'aller y participer. J'ai des compétences en design, en programmation. Je suis capable de diriger une équipe de projet. Je suis capable de rédiger s'il y a de la rédaction à faire, etc. Donc, je pars avec mon expertise et j'interviens, dans le fond, au sein de mon entreprise ou au sein de mon milieu, dans le contexte de ce projet-là. Au départ, c'était beaucoup les entreprises qui le faisaient et qui ont un peu lancé ça. Facebook, par exemple, qui ont été un peu les premiers au début de la vague, si on peut dire, à l'époque où c'était un peu plus branché peut-être comme mode d'activité. Donc, il y a eu la période des années 90 où ça se faisait, ça existait. Éventuellement, donc, avec Facebook qui a commencé à en faire parce que c'était déjà dans la culture de ses propriétaires et dans la culture de ces autres entreprises-là qui sont propriétés de gens qui viennent du milieu de l'informatique, qui viennent dans bien des cas ou qui ont touché au milieu du libre à une certaine époque, donc qui en avaient déjà vécu, ben eux ont décidé de transposer ce type d'événement-là dans le contexte de leur entreprise en disant, ben oui, on le faisait dans les communautés, maintenant faisons-le à l'interne. C'est pas parce que moi j'ai eu une bonne idée que je suis le seul à avoir des idées ou que ma garde rapprochée est la seule à en avoir. Ouvrons-la à l'ensemble du bureau et donc tous les travailleurs étaient invités à justement se réunir pour développer des innovations, des projets. Et d'ailleurs, parenthèse, en fait, même pour dire, dans le réseau social, le film sur Facebook, il y a même une scène qui se passe avec un hackathon, justement, je pense avant la création de Facebook. Donc, ça montre quand même que c'était déjà présent dans la culture, notamment des campus et de certaines communautés, avant que ça devienne peut-être un petit peu plus généralisé. Est-ce que ça allait évoluer? Maintenant, c'est pour qui tout ça? Est-ce que c'est encore entrepreneurial ou un individu comme ça pourrait participer? Il y a toujours une base entrepreneuriale dans la mesure où les gens d'affaires, les chefs d'entreprise vont choisir peut-être d'en organiser, mais j'ai l'impression que ça a été beaucoup plus récupéré justement par la communauté ou par les communautés. Donc, l'idée d'un grand brassage d'idées a été intégrée dans les différents milieux. Donc, c'est-à-dire, ben, OK, on veut développer, on veut explorer les usages numériques, mais commençons peut-être par organiser un hackathon pour voir l'éventail des possibilités, pour voir quelques exemples et ensuite peut-être avoir des projets sur lesquels approfondir le travail. Donc, c'est vraiment plus l'apanage des bidouilleurs, c'est plus l'apanage des experts de certains types de logiciels. Donc, c'est beaucoup plus ouvert et parce que le concept a été très populaire, eh bien, ça devient aussi récupéré dans d'autres communautés ou dans d'autres événements, on le verra tantôt, où le numérique n'est plus nécessairement le cœur de la patente. On peut avoir d'autres expertises, puis ça fait aussi l'affaire, tu le disais, on peut être spécialiste en designer, puis oui, ça pourrait être... Ou même, en fait, c'est que la résultante n'est pas nécessairement même obligée d'être numérique. Donc, ça évolue, évidemment. C'est sûr que tous les grands joueurs en font encore. Mais il y a toujours aussi dans tout ça, et peut-être avant d'en venir à Québec, là, je dirais, les petites craintes que les gens ont toujours face au hackathon, c'est l'idée, justement, qu'on n'est pas nécessairement toujours capable de bien récupérer les innovations qui ont été faites. Donc, c'est beaucoup là-dessus que les gens qui organisent aujourd'hui des événements sont invités à se pencher. Donc, de quelle manière on va pouvoir récupérer, de quelle manière on va pouvoir donner des suites au-delà de l'aspect humain du projet, parce qu'évidemment, c'est des opportunités de réseautage absolument fabuleuses. Quand on travaille dans un domaine, quand on a un intérêt pour un domaine, ben là, pendant une fin de semaine, on parle pas simplement de rencontrer la communauté, mais on parle de travailler, de créer une communauté, de créer un esprit d'équipe, un esprit de groupe. Donc, ça devient extrêmement précieux de ce côté-là, mais nonobstant l'aspect humain, de quelle manière on réussit à développer un peu plus. Concrètement efficace, là. Comment ça se passe? On arrive le vendredi, puis c'est où, puis comment ça se passe? Ça dépend des événements. En fait, je vais donner peut-être les quatre exemples à Québec, ça va donner une idée, mais essentiellement, on se présente le vendredi, on s'est inscrit évidemment au préalable, tous ces événements-là ont des sites Internet, ensuite, ben on développe, on se choisit un projet, on s'implique sur ce projet-là, on travaille en marathon, et ensuite, on présente les résultats. Il y en a un qui s'en vient même très, très, très, très courte échéance, le fin septembre, 25, 26, 27. Ça, c'est dans le cadre des Journées de la culture. Donc, l'idée, c'est de voir de quelle manière, à partir des différents jeux de données qui sont disponibles librement, donc ce qu'on appelle les données ouvertes, autre sujet de chronique potentiel. Oui, c'est ça. Moi, j'adore cette chronique-là. J'apprends plein de choses. Alors, ils vont prendre des données ouvertes au niveau provincial, au niveau municipal, donc de Québec, Montréal, Sherbrooke, Gatineau, des fédérales, des archives de musées, des choses qui sont disponibles en ligne via les différents médiums et médias sociaux. Alors, l'idée, ça va être de prendre ça et d'essayer de développer des innovations en culture. Eux autres disent, ben regardez, on appelle autant les gens qui ont un minimum de connaissances face au numérique, design, marketing, programmation, communication, pour un marathon autour de données culturelles, mais vraiment, dans ce cas-ci, on a une emprise très forte sur le plan numérique. Un autre événement, parce que là, les trois prochains ont tous lieu en même temps, d'ailleurs, c'est le 4, 5, 6 novembre, dans les trois cas. Donc, on va avoir trois hackathons en même un temps hasard, à Québec. Quoi? Ils se sont pas consultés, pourtant. C'est un peu un hasard, ben, c'est que c'est difficile d'aller chercher, je pense, certaines périodes où on va mobiliser les gens pendant aussi longtemps. Alors, il y en a un premier qui s'appelle Muséomix. Lui, c'est la troisième édition. Et là, je parlais tantôt justement de l'idée que la technologie n'est pas nécessairement la finalité de l'objet qui va être rendu. C'est un outil parmi d'autres. Donc, l'idée, c'est plus un défi de médiation. Donc, l'idée de travailler autour d'œuvres d'art et de pouvoir justement proposer une expérience de médiation autour d'une œuvre, une expérience qu'on développe en à peu près 72 heures. Alors, la première année, c'était au Musée de la Civilisation, ça a été au Musée des Beaux-Arts il y a 2 ans, donc ça revient cette année au Musée des Augustines. Alors, l'idée, c'est donc d'aller chercher, oui, des codeurs, oui, des informaticiens, oui, des designers, mais aussi des historiens de l'art, des muséologues, des artistes, d'aller chercher d'autres pans de spécialité, parce que la médiation va appeler aussi à d'autres types de compétences. Donc, eux vont rassembler peut-être une quarantaine, une cinquantaine de personnes pendant donc cette fin de semaine-là. Si on dit, ben moi, je suis peut-être moins patrimoine, ben il y a un autre événement, il y a d'autres événements spécialisés, parce que on parlait de communauté tantôt, c'est un peu l'exemple. Donc, il y a Hacking Health, donc l'idée de développer des outils pour le système de santé. Et ah là, oui, aussi, c'est très concret. Là. C'est très concret, c'est d'autant plus concret que eux, pour être sûr d'être à la page avec les besoins du milieu de la santé à Québec, les projets sur lesquels les gens sont appelés à intervenir ont été proposés par les gens du réseau. Donc, il y a présentement, en fait, ils ont mis une plateforme en ligne, je donnerai les sites web tantôt, et on peut aller proposer des idées d'intervention, on peut voir les projets qui ont été proposés. Donc, sur les 50, il y en a 12 qui vont être travaillés pendant l'événement. Et l'idée, donc, c'est vraiment de dire, ben OK, il y a un praticien qui se questionne sur telle dynamique dans sa routine, si on peut dire, dans son institution de santé, mais de quelle manière on peut réussir à l'intervenir, par exemple, pour partager plus facilement les connaissances, pour aider à développer une urgence sans papier, etc. Et évidemment, ben le praticien, lui, et on parlait de l'importance de donner les suites, mais va travailler à réussir à amener ça dans son milieu. Lui va avoir un prototype à partager à sa haute direction, si on peut dire, au terme de cet événement-là. Mais en fait, là, Raymond, c'est comme un gros brainstorm d'une fin de semaine qui, on se réunit puis on brainstorm ensemble. Exactement. Ouais. Exactement. Puis, dans le fond, c'est l'idée un peu d'Hacking Health, c'est l'idée du Muséomix, c'est l'idée d'un autre événement qui s'appelle Hackfest, qui lui, on parle de pratiquement 650 personnes, mais ça, c'est en sécurité informatique, en piratage, donc c'est plus classique en termes d'idée du terme hack, si on peut dire, comparativement aux deux autres. Mais c'est vraiment trois approches distinctes, quatre si on inclut celui des Journées de la Culture. Alors, ça c'est un grand remue-ménage. Et ce qui sera intéressant, ça sera de voir évidemment qu'est-ce qu'il y a ressort par la suite, au-delà du travail en amont. Est-ce que tu seras là, toi, Raymond? Moi, je suis sur la King Health. J'ai choisi la King Health. J'hésite entre Muséomix et lui, mais la santé, ça m'intrigue trop, en fait. Et si les gens veulent avoir un peu plus d'informations, d'ailleurs, en fait, pour la question des Journées de la Culture, ça, c'est québecnumérique.com. Pour le Muséomix, c'est muséomixqc.com, ou encore là, dans les outils Google ou autres, si on cherche Muséomix Québec, on va le trouver. Hacking Health, c'est hackinghealth.ca. Ensuite, on va chercher la ville de Québec, parce qu'il y a 88 villes qui participent au mouvement Hacking Health à l'échelle planétaire. Et d'ailleurs, je mentionne aussi... En même temps, là. En même temps ou en différé. Ouais, okay, je pense que Montréal est en même temps que Québec ou dans les environs. Ouais, grosso modo, là, on est Il y a eu Mexico il n'y a pas très longtemps, Waterloo qui l'a fait, donc il y a une variété. Et Hacking Health, en plus, si les gens veulent avoir un peu d'informations en amont ou expérimenter la plateforme, il y a des soirées de co-création plus classiques avant l'événement, donc pour bâtir un peu la communauté en amont. Alors, le 7 septembre, demain, au camp en 5 à 8, Et sinon, le 21 septembre, à l'Université Laval, en 5 à 8 aussi. Ça, toutes les informations sont sur la plateforme. Et pour Hackfest, c'est hackfest.ca. Hey, voilà. Ben, on dirait qu'en tout cas, tu nous parlais d'essoufflement pour ces hackathons-là, mais visiblement, ça... en tout cas, c'est encore bien populaire. Oui, ben, à Québec, en fait, il n'y en a pas eu des masses non plus, il faut dire. Il y en a même qui roulent très bien en animation 3D, notamment. On pense au Pixel Challenge, qui est probablement un des plus gros au Canada, qui, eux, font un film d'animation en 72 heures. Il y avait eu le Bivouac Urbain il y a quelques années, qui avait un peu lancé la patente à Québec, qui, eux, faisaient un jeu vidéo en 72 heures. Il y a eu la Iron Web, donc faire des applications, des outils web, des applications mobile. Donc, il y en a quand même eu quelques-uns, mais il n'y en a peut-être pas eu, peut-être pas eu une pluie de hackathons à Québec comparativement à d'autres régions. Alors, on est encore en train de réaliser, de découvrir et d'exploiter le potentiel de cet outil-là. On n'est pas allé au bout de son potentiel. Raymond Poirier, merci beaucoup. Fait plaisir.